Bonjour auditeurs de Radio Guémozo, je suis Lia, je suis ravie de t'accueillir sur le 107FM. Suite à notre projet au sein des écoles de la Vosges où Chris et moi sommes partis à la rencontre des enfants pour leur faire connaître Radio Guémozo, mais aussi parfois enregistrer sur place le travail qu'ils avaient préparé avec leur instituteur, des émissions exceptionnelles vont vous être proposées. Et c'est aujourd'hui que ça commence avec l'école de Bains-les-Bains et ses élèves de la toute petite section au CM2. J'en profite pour remercier la communauté d'agglomération d'Épinal et Élise, leur coordinatrice enfance-jeunesse, mais également les instituteurs pour leur accueil chaleureux et bien entendu leurs élèves pour leur curiosité et leur investissement. Demain, à la même heure, vous retrouverez les élèves de Fontenoy-le-Château et ceux de Charmoy-l'Orgueilleux. Et mercredi, toujours à 10h, les enfants de la Chapelle au Bois. Très bonne écoute! La classe des toutes petites sections de l'école de Bains-les-Bains vous propose l'histoire des trois petits cochons. Les trois petits cochons. Le premier cochon construit son palais. Le deuxième cochon construit une maison en bois. Le troisième construit pigeon. Je vais et ta maison. Alors le loup et la maison. Le petit cochon va se cacher chez son frère dans la maison en bois. Mais le loup, il toque. Alors dit le loup, je vais et ta maison. Le loup souffle. La maison en bois. Vite, les petits cochons vont se cacher chez leur frère dans la maison en briques. Mais le loup arrive. Il ouvre-moi. Sinon, je vais. Et ta maison. Alors le loup souffle. Souffle encore. Il n'arrive pas à souffler. Non, je ne pas. Il va sortir une moussette. Pour monter. Pendant ce temps, les petits cochons préparent. Avec une. Le loup. Dans la marmite. Bien chaud. Ensuite, le loup. Bonjour à tous. La classe de petite et moyenne section de la Vosges-les-Bains vous présente aujourd'hui la recette du gâteau aux pommes. Ingrédients: 5 cuillères de farine, 5 cuillères de sucre, 5 cuillères de lait, 2 cuillères d'huile, 2 sucres, 4 pommes. Mélange le sucre et la farine. On ajoute le lait. On verse celui. Et de la levure. On mélange le tout avec un batteur. On coupe les pommes en morceaux. On les met dans la pâte. Avec la ramoule. Fait cuire le gâteau. Cuisson au four 25 minutes à 210 degrés. Et maintenant, bon appétit. Là, tes petits moines, je la vaut tes bains. Raconte l'histoire, t'as la médecine chez le lapin. une fois un lapin qui aime plus les carottes. Une fois, je mange ses voisins. Par contre, je mange des mouches. Pour des lapins. Poisson, il mange des pâtes de terre. Marc, dit Monsieur Lapin. Les poissons, ils mangent des larves. Très peu pour moi, dit Monsieur Lapin. Cochon mange n'importe quoi. Pas moi, dit Monsieur Lapin. La banane, tu manges des poissons. Qu'est-ce que c'est? Demande Monsieur Lapin. Ça, je mange des bananes. Ça pousse pas dans mon jardin, dit Monsieur Lapin. Le renard veut attraper les lapins. Le lapin se sauve de lui. Mais le renard a croqué ses oreilles. Les carottes font pousser les oreilles des lapins. Monsieur Lapin fait manger des carottes. Il trouve ça très bon. Au revoir, à bientôt. La classe des petits voyants. De la petite lépin. Vous présente Petite Amélade. Tu vis dans la forêt. Les petits roux. Et un conque. Des crêpes à pâte. Des oreilles avec des petits poils dessus. Et moi, des noisettes. Des noix. Des beurres et des pommes. Fille de la forêt. Maison, c'est un nid. Dans les arbres, sur les branches. Ils courent dans l'air, à leur naissance. Les bébés, ne parlent le poil, et les yeux fermés. Ils têtent le lait de leur maman. Avec goût, devinons cet animal poisonné à tous. Au revoir. Élèves de la classe maternelle de moyenne section, grande section de l'école Henri Martin à la Vosges-les-Bains vous proposent de partager leur découverte de l'album « La plus grande course du monde ». C'est parti ! Le départ de la plus grande course du monde vient d'être donné. Les concurrents s'élancent dans des nuages de poussière. Combien sont-ils ? Moi, je vois que sur la page de l'album, l'illustrateur a dessiné des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de voitures. Et tous les concurrents veulent gagner cette course. La plus grande course du monde ! Mais il n'y aura qu'un gagnant, un seul. Ils foncent à l'entrée des virages, ça se bouscule un peu, forcément. Mais bien sûr, plus on va vite, plus on prend de risques, et plus on prend de risques, plus ça risque de mal se terminer. Pour certains coureurs, la course est déjà finie. Oups, ma voiture est sur le toit, ou bien n'irai pas plus loin. Dis donc, tu m'as coupé la route et j'ai pas réussi à freiner. Et voilà, nos voitures sont abîmées. Oh oui, je suis en train de pousser ma voiture, mais c'est trop lourd. Moi, la course s'arrête là. C'est trop cool, mais c'est pas loin non plus. Maintenant, ça grimpe dur. Il y a plein de virages. Et le pilotage devient de plus en plus difficile. Plus on monte, plus il fait froid. Et tout en haut, il y a même de la neige sur la route. Ah, ça glisse. Et voilà, j'ai dérapé. Maintenant, il faut que j'appelle le dépanneur. Ah, ce virage-là n'est pas réussi à le prendre. Une fois arrivés tout en haut, les concurrents doivent abandonner les voitures et chausser des skis. un ski à compter du tronc d'arbre. Fini la couche pour moi. Au secours, se roule comme une boule de neige. Venez les filles, il y a un raccourci entre les sapins. Tu sais, tu vas gagner. Moi, je le sais, mais je ne te le dis pas. En bas de la descente, il y a une sorte de tunnel. Le premier concurrent y pénètre sans hésiter. On n'y voit pas grand-chose là-dedans. Il y a un très grand escalier. Ah, j'ai glissé, pas de la grosse. Il va où ce tunnel? Tu vas voir. Dans ce tunnel, il y a un escalier qui descend, ça glisse. Waouh, une grande rivière souterraine. Et sur la berge, des kayaks qui attendent les concurrents. Quoi, kayak? Un petit bateau pointu pour une seule personne. Chaque concurrent embarque sur un kayak et commence à naviguer sur cette mystérieuse rivière. Ils sont tous fatigués, mais raclament, la fin de la couche approche. Une lueur apparaît au loin. Serait-ce enfin l'arrivée? Oui. Les concurrents jettent leur dernière force dans ce sprint final. Maîtresse, qui a remporté la plus grande course du monde? Maîtresse, qui a remporté la plus grande course du monde? C'est vous les enfants, vous avez gagné la course! Oui, vous, car cette histoire est celle de votre victoire. Grâce à cette course, vous avez chacun eu la chance de devenir un bébé dans le ventre de votre maman. Et moi, j'ai la chance cette année d'être votre maîtresse et d'avoir réussi grâce à ce livre à vous apprendre à mieux vous exprimer, à connaître plein de nouveaux mots, à oser parler devant un micro et à commencer à appréhender l'histoire de la vie. Un grand merci à Vouch, l'auteur et l'illustrateur de cet album « La plus grande course du monde ». Nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous. C'est maintenant aux élèves de la classe de CP-CE1 de présenter leur travail. Nous avons travaillé cette année sur les mammifères. Une animatrice nous a expliqué ce qu'était un mammifère et comment le reconnaître. Nous sommes allés en sortie pour relever des empreintes de mammifères. Nous avons trouvé des terriers de campagnols, des crottes de campagnols, des poils de blaireaux accrochés aux barbelés, des passages de blaireaux et des couches de chevreuil. Pour finir, nous avons fabriqué des empreintes de pattes de mammifères dans du plâtre, le chat, le lapin, le blaireau, le renard et le chevreuil. Nous allons donc vous expliquer tout ce que nous avons appris. Comment reconnaît-on un mammifère? La chienne, la jument, la vache nourrissent leurs petits avec le lait produit par leurs mamelles. Ce sont des mammifères. Les mammifères ont le corps couvert de poils et la température de leur corps reste constante. Ce sont des animaux à sang chaud. Ils respirent grâce aux poumons. Chez les mammifères, la fécondation est interne. Quand ils sortent du ventre de leur mère, les petits sont déjà formés, au moins en partie, ils sont vivipares. Où vivent les mammifères? Il y a des mammifères dans tous les milieux. Animaux vivent sur Terre. Quand quelques-uns vivent dans des galeries souterraines, d'autres vivent sur la banquise. Et on peut en trouver dans les aires chauves-souris. Des mammifères de toute taille. Le plus petit des mammifères est une musaraigne qui mesure moins de 5 cm et ne pesait pas plus de 2 grammes. tandis que la baleine bleue peut dépasser 30 mètres et peser 150 tonnes. L'éléphant d'Afrique, mammifère vivant sur la terre ferme, peut atteindre 4 mètres de haut et peser 7 tonnes. Comment place-t-on les mammifères ? L'homme et les singes ont des ongles, le chat, le lion, le tigre possèdent des griffes, les éléphants, le zèbre, la vache ont des sabots à l'extrémité de leurs doigts, le cochon, la vache et le cheval qui ont des sabots ne mangent pas les mêmes aliments ou non pas la même façon de manger. C'est pourquoi on les répartit dans trois groupes différents, les omnivores, les ruminants, les herbivores qui ne ruminent pas. Pour classer les mammifères, on recherche d'abord s'ils ont des ongles, des griffes ou des sabots, puis comment ils se nourrissent. Que mangent les mammifères ? Certains ne mangent que des plantes, ce sont des herbivores ou des rongeurs. Certains ne mangent que de la viande, ce sont des carnivores. Certains se nourrissent d'insectes, ce sont des insectivores. Un certain nombre de mammifères mangent aussi bien des végétaux et des animaux, ce sont des omnivores. Leur utilité, ils fournissent des produits alimentaires, car l'homme utilise la chair des animaux de la boucherie, le lait des vaches, des brebis, de chèvres et la graisse de bœuf, de mouton et de porc. De nombreux mammifères et de l'homme. Autrefois, les chevaux tirent des carrosses pour se déplacer dans certains pays. Les éléphants et les chameaux transportent les personnes, on les utilise aussi, et ainsi que les bœufs pour labourer les champs. Dans les pays froids, ce sont les chiens de traîneau qui aident l'homme à se déplacer et de transporter la chasse qu'ils ont récolté. Le chien aide également l'homme pour la chasse. Certains chiens sont dressés pour aider les personnes aveugles à se déplacer. L'homme utilise la laine des moutons, le cuir du bœuf, du daim, du chevreuil, du porc, les fourrures du renard, de la taupe, du lapin. Les mammifères, nous fournissons de nombreux produits alimentaires, de la laine, des cuirs et les fourrures. En outre, ce thème est dans l'homme. Les mammifères sont des animaux vertébrés dont leur corps porte des poils qui possèdent 4 dents et chez lesquels les femelles allaitent leurs petits. Ils respirent grâce aux poumons. Ils sont des animaux à sang chaud, c'est-à-dire que la température de leur corps reste constante quelle que soit la température extérieure. Les mammifères marins, certains mammifères vivent en mer. Ils se nourrissent de poissons, de crabes, de mollusques, de calmars. Certains reviennent régulièrement sur la terre ferme, tandis que d'autres passent leur vie entière dans l'eau. Les cétacés et les dauphins, en revanche, tous sont dotés de poumons et quand ils sont dans l'eau, tous doivent remonter à la surface pour respirer. Nous espérons vous avoir appris certaines choses à travers ce documentaire et nous vous remercions pour votre écoute. La classe de CP, c'est loin de Vauvelet-Bains. Bonjour, vous écoutez les élèves de la classe de CE2-CM1 de la Vauges-les-Bains. Nous avons inventé des acrostiches que nous allons vous présenter. Un acrostiche est un poème dont la première lettre de chaque vers forme un mot quand elles sont lues verticalement. Je m'appelle Noé, je suis en CM1, j'ai 9 ans. Mais en classe, on travaille sur les acrostiches. C'est la récréation. On joue au loup, on rentre en classe, on va commencer le calcul mental. Le midi, on mange à la cantine. En plus, la maîtresse est super gentille. Elle nous laisse du temps pour lire en début d'après-midi. Bonjour, je m'appelle Noan, je suis en CM1 et j'ai 10 ans. Nature. Normal, la nature est la plus belle. Avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Toutes les nuances sont les bienvenues. Une ou deux en plus, ce n'est pas de refus. Rien ne l'arrêtera, tout est possible. Et même si la Terre est détruite, les couleurs s'éparpilleront sur d'autres planètes. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 10 ans et je suis en CM1. Nature. Nous cultivons des fleurs, des arbres et les autres plantes. C'est beau les paysages de la campagne. Ah, la forêt. On peut voir les plus grands animaux du monde. Tous les animaux sont dans les forêts. Un tigre est rapide et rusé. Ils sont des prédateurs et le mouton est une proie. Revoir les plantes, les arbres et les fleurs, c'est beau. Et les magnifiques paysages, il n'y a pas mieux que la campagne. Bonjour, je m'appelle Timéo. J'ai 9 ans et je suis en CM1. Nature, ne la polluez pas. Après, elle souffrira. Tu es belle avec tes couleurs, une vraie beauté avec ses fleurs. Rayonne par le soleil, éclaire le ciel. Bonjour, je m'appelle Vaimiti, j'ai 10 ans, je suis en CM1. Hiver, hier j'ai terminé mon calendrier. Il est minuit, on attend son arrivée. Viens, on prépare les cookies et le lait, et le Père Noël pourra se régaler. Regardez, le traîneau vole dans le ciel, puisqu'aujourd'hui c'est Noël. Bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 10 ans et je suis en CM1. École. En classe, on colle plein de documents. C'est la récréation, la cloche sonne. Vivement ce moment. On fait de l'art plastique, on travaille sur le portrait. Les élèves font leurs dessins en silence, il n'y a aucun bruit. On voit que ça leur plaît. En plus, la maîtresse est super gentille. Vivement le retour mardi. Je m'appelle Maëva, je suis en CE2. Nature, nuage, fais-nous du beau temps. Agite ta tête pour qu'on voit l'arc-en-ciel. Tu voles au-dessus des gens. Univers, emmène-nous dans le ciel. Rivière coule au milieu des champs. Et regardons voler là-haut l'hirondelle. Bonjour, je m'appelle Léa. J'ai 9 ans et demi et je suis en CM1. Hiver, hier il a neigé sur les arbres de la forêt. Il y a un vent glacé qui souffle sur la vallée. Voici apparaître dans le brouillard, entouré de son ami, un petit oiseau. C'est le roi de la neige, le bonhomme de neige. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 9 ans et demi, je suis dans la classe de CM1. Nature, nuages beaux dans le ciel, arc-en-ciel unique. Tes enfants sont partis observer la nature. Un papillon multicolore vole. Respirez les fleurs, eau transparente et belle, on peut y voir notre reflet. Je m'appelle Livia, j'ai 9 ans et je suis en CE2. Nature, nuages tout blancs dans le ciel qui brille, arc-en-ciel que tu es beau, tous les nuages volent et rient, une hirondelle a un peu chaud, rivière toute bleue qui nous éblouit, elle est belle cette étoile toute jaune. Je m'appelle Lise, je suis en CE2. École. Écrire, ça aide à apprendre. C'est grâce à l'école que je me fais des amis. On aime la maîtresse parce qu'elle est jolie. L'école est là pour travailler et c'est trop bien les maths. Je m'appelle Lindsay, je suis en CM1 et j'ai 10 ans. Nature, nuages qui volent au-dessus de ma tête. Amis, regardez les fleurs qui fleurissent. Tu vois les beaux arbres de la forêt devant nous et les oiseaux qui y nichent. Univers magnifique, respire l'air de la nature et des fleurs et allons cueillir des champignons dans la forêt tranquille. Je m'appelle Lindsay, je suis en CM1 et j'ai 10 ans. Nature, nuages qui volent au-dessus de ma tête. Amis, regardez les fleurs qui fleurissent. Tu vois les beaux arbres de la forêt devant nous et les oiseaux qui y nichent. Univers magnifique, respire l'air de la nature et des fleurs et allons cueillir des champignons dans la forêt tranquille. Bonjour, je m'appelle Lilou, j'ai 10 ans, je suis dans la classe de CM1. École, endroit rêvé pour jouer avec mes copines et rigoler. C'est bien de jouer, mais il faut aussi travailler. Outils indispensables, colle, stylo, règles et cahier. Le moment préféré, la récré, c'est fait pour s'amuser. Et ensuite, on retourne tous en classe, chacun travaille à sa place. Je m'appelle Laina, je suis en CE2. École, l'école est enfin finie. C'est la récréation, on fait des maths. Laina écrit encore un jeudi. Je m'appelle Jeanne, j'ai 8 ans et je suis en CE2. Nature, nuage, vous qui faites apparaître le soleil, as-tu vraiment connu le ciel? Toi qui fais venir les animaux, les biches et les blaireaux, un fleuve, une rivière, tout ça vient de l'eau. Reconnais-tu les mammifères, les reptiles, les amphibiens? Et tu as la tranquillité et tout le monde entier. Jean, sur CE2, l'hiver, hier, j'ai fait un igloo avec mes copains. Il se cache à l'intérieur, c'est rigolo. Venez, rentrez, vous réchauffez et mangez des gâteaux. Sortons, nous, s'amuser. Bonjour, je m'appelle Isis, j'ai 10 ans. Nature, Natacha a vu la nature. Ah, qu'elle est belle avec ses arcs-en-ciel. Tranquille, cette balade sur la mer. Univers, montre-nous les insectes, les poissons, les amphibiens et reptiles. Rien de tel que de sentir les fleurs, les orchidées, les bleuets et les giroflées. Elodie aussi est impressionnée par les torrents, les océans et les volcans. Je m'appelle Grégory, je suis en CE2, école. Elle nous fait rigoler comme un dessin animé. Oh, quelle belle journée. La maîtresse est gentille. Elle nous ravit. Je m'appelle Héloïse et je suis en CE2. Nature. Nature jolie et merveilleuse, aussi harmonieuse et talentueuse. Tu vois ces jolies fleurs parfumées, uniques et colorées. Respire l'air printanier. Elle est merveilleuse, cette nature préservée. Bonjour, je m'appelle Damien, j'ai 10 ans et je suis en CM, école. En avant les amis, on va faire des mathématiques, calculs, problèmes et géométrie. On apprend aussi à faire des poèmes, la maîtresse est là si on a besoin d'elle. Et enfin, quand la journée est finie, on rentre et on retrouve sa famille. Je m'appelle Clément, je suis en CE2. Hier, j'ai ouvert la dernière case de mon calendrier de l'Avent. Il y a des décorations dans la maison. Vers le sapin de Noël, on place les chaussons. Et maintenant, on attend le Père Noël. Réunis près du sapin, chacun ouvre ses cadeaux. Bonjour chers auditeurs, nous sommes la classe de CM1 CM2 de l'école de la Vosges-les-Bains. Nous allons vous présenter pendant cette émission des poèmes. Je laisse la parole à Amy, Paloma et Nino pour un poème écrit par Henriette Major. À quoi ça sert un poème ? À quoi ça sert un poème ? Ça sert à jouer des mots, comme on joue de la guitare, de la flûte ou du piano. Ça sert à faire savoir qu'on est gay ou qu'on est triste, ou bien d'humeur fantaisiste. Ça remplace quelques larmes, ça fait rire ou ça désarme. Ça sert à parler de soi ou bien de n'importe quoi. C'est un voyage intérieur, un moyen d'ouvrir son cœur. À quoi ça sert un poème ? Au fond, ça ne sert à rien. Mais ça rend la vie plus belle, comme un tour de magicien, un sourire, un arc-en-ciel. À quoi ça sert un poème ? Ça sert à dire je t'aime. Merci les CM2. Maintenant, c'est au tour de Camille, Léonie et Nolan pour un poème sur le thème d'Halloween de Claire Renaud et Marianne Dupuis-Sauze. Que rêve de citrouille. Deux citrouilles d'Halloween se rencontrent dans un potager. L'une est ronde, bien en chair bronzée. Tout le monde a plaisir à regarder. L'autre est maigrelette, sèche et décolorée. On n'oserait même pas y goûter. Dis donc, madame la citrouille bouboule. Attaque la citrouille qui cherche la brouille. À ce que je vois, vous ne vous priviez pas et vous profitez bien de tous les fruits du jardin. Mais oui, madame la citrouille desséchée. Quoi se priver de ce que la nature nous a donné ? Il répond à cette grassouille. Moi, je préfère avoir une bonne bouille et manger plein de fenouil plutôt que d'avoir un ventre qui gargouille et de finir dans une ratatouille. À présent, nous allons vous faire écouter quelques fables de Jean de La Fontaine. Voici Cléo, Elsa, Quentin, Ryan et Similiano. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Il alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle. » Avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec le renard et la cigogne. Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant pour toute besogne avait un gros éclair. Il vivait chichement. Ce bourra fut par lui servir sur une assiette. La cigogne, mon bec, n'en put attraper miette. Et le drôle lui lapait le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. « Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse. Loua très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point. « Bon appétit surtout, renard n'en manque point. » Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mais en menus morceaux, qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. Merci Camille, Esteban, Kevin, Léo et Nolan pour cette belle prestation. Voici maintenant le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hé, hey, bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. C'était Clémence, Dragan, Adrien et Clara. Nous continuons avec la suite de cette fable écrite par Gudule. Écoutons Camille, Enzo, Nolan et Sophia. Ayant un long moment médité l'aventure, le corbeau s'envola, avec l'espoir ténu, de dénicher dans la nature quelques fiches aliments à mettre à son menu. Il scrutait la forêt sous lui lorsque soudain des coups de fusil retentissent. Surpris, en plein festin, lâche son camembert et dans un trou se glisse. Oh, dit Corbeau, l'occasion est trop belle. Sur le fromage, ils font à tire-d'aile et dans les airs l'emportent sans tarder. Juste à temps, la main sur la gâchette, cherchant à repérer de goupil la cachette, apparaît l'homme armé. Mais du gibier qu'il traque, il ne trouve point trace. Bredouille, le chasseur abandonne la chasse. Par son larcin, Corbeau, sans le savoir, a sauvé la vie du fuyard. Tout penaud, le renard sort alors de son antre et devant le corbeau qui se remplit le ventre, constate en soupirant « Je vais jeûner ce soir. » Mais l'autre calmement descend de son perchoir et posant sur le sol ce qui reste du mets, invite son compère à se joindre au banquet. « Tu es rusé, dit-il, et moi je fends l'espace. Ensemble, nous formons un duo efficace. » Plutôt que de chercher l'un l'autre à nous voler, pourquoi pas nous entraider ? Honteux et confus, le renard de la proposition admit le bien fondé, jurant, mais un peu tard, d'exercer désormais la solidarité. À vous, et pour finir, une petite surprise pour s'amuser. Voici Cléo, Esteban, Adrien, Clara et Ryan. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh hey, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit... Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Corbeau honteux et confus, je remets un peu tard qu'on ne les prendrait plus. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette version vous aura plu. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Bonjour, nous sommes la classe de CM2 de la Vosges-les-Bains et nous allons vous présenter les contes des origines que nous avons écrits. Pourquoi les lapins sautent-ils ? Il y a très très longtemps, alors que les lapins marchaient tout à fait normalement, ils eurent envie de monter dans les arbres. ils étaient beaucoup trop petits et ne parvenaient pas à s'y hisser. Ils étaient tristes. Un beau jour, leurs amis les lièvres décidèrent de les réconforter. Et pour cela, eurent l'idée d'aller chez les hommes, chercher des ressorts. Une fois rentrés chez les lapins, ils leur mirent les ressorts sous les pattes. Les lapins étaient ravis car ils pouvaient désormais aller cueillir des fruits dans les arbres. Quand les ressorts furent cassés, car rien ne dure éternellement dans ce monde, ils remarquèrent qu'ils n'en avaient plus besoin. Ils avaient, en effet, pris l'habitude de sauter et ne savaient plus se déplacer autrement. C'est pour cela que depuis ces temps anciens, les lapins se déplacent en sautant. Par contre, ils ne vont plus dans les arbres, car finalement, ils se sont rendus compte qu'ils préféraient manger l'herbe grasse des prés. Pourquoi les ânes font-ils liant ? Il y a très longtemps, dans un pays lointain, vivait une ânesse qui s'appelait Iris. Elle avait un problème, car elle parlait de façon étrange, si bien que tout le monde se moquait d'elle. Un jour, elle décida d'aller demander conseil au vieux singe savant qui avait de grands pouvoirs. Celui-ci lui lança un défi. « Si tu veux parler correctement, tu dois me rapporter des diamants. » Mais attention, car si tu n'y arrives pas, alors ma colère sera terrible. Veux-tu prendre le risque ? L'animal qui en avait vraiment ras-le-bol que tout le monde se moque d'elle décida de relever le défi. Elle se rendit donc dans la grotte que lui avait indiqué le singe, mais se trouva vite nez à nez avec le monstre qui s'y trouvait. Très effrayée, elle s'enfuit à toute vitesse et revint voir le singe sans les diamants. Celui-ci entra dans une colère noire en la voyant revenir bredouille. Et non seulement il la condamna à ne plus pouvoir parler du tout, mais en plus il lui attribua un cri horrible. C'est pour cela que depuis ce temps-là, les ânes poussent ce cri affreux de Ian. Pourquoi les cerfs ont-ils des bois ? Il y a très longtemps, les cerfs étaient amis avec les boucs. Les boucs avaient de longues et magnifiques cornes. Les cerfs n'avaient qu'une envie, c'était de goûter au fromage des chèvres. Ils auraient donné n'importe quoi pour ça. Mais les boucs refusaient car ils disaient que le fromage était réservé à ceux qui possédaient des cornes. Un jour, un cerf demanda à ses amis d'aller couper des branches. Ils allèrent dans la forêt et coupèrent des branches. Ils se les collèrent sur la tête. Ils purent ainsi goûter au fromage, mais se rendirent compte qu'ils n'aimaient pas ça. Les boucs avaient bien reconnu les cerfs et décidèrent de les punir pour leur ruse. Ils demandèrent aux branches de rester collées sur leur tête. Les cerfs n'arrivèrent pas à s'en défaire, et c'est pour ça que depuis ce jour, ils ont des bois sur la tête. Pourquoi les vaches ont-elles des taches ? Il était une fois, il y a bien longtemps, une vache blanche qui vivait paisiblement dans la prairie. Elle avait pris la mauvaise habitude de courir après les mouches afin de les manger, car elle adorait leurs petits bouts de noisettes grillées. Un beau jour de printemps, alors que le propriétaire était en train de repeindre la clôture non loin de là, elle aperçut une énorme mouche sur le pot. Elle prit son élan et fonça sur celle-ci afin de n'en faire qu'une bouchée. Mais elle trébucha et heurta le pot de peinture qui vint s'éclater à ses côtés. Elle fut toute éclaboussée et trouva que, ma foi, cette tâche lui allait bien. Elle se releva d'un bond et avala l'insecte, puis repartit brouter l'herbe de la prairie comme si rien ne s'était produit. C'est depuis ce jour-là que les vaches blanches, bien trop gourmandes, sont souvent toutes tachetées. Pourquoi les chats ont-ils peur des chiens ? Il y a très longtemps, à une époque où les chats et les chiens étaient les meilleurs amis du monde, Bill le chien et Puff le chat vivaient ensemble dans un énorme château. Un jour, Bill mordit le chat parce que celui-ci s'était moqué de lui. Une lutte atroce commença entre les deux animaux, chacun voulant se venger de ce que l'autre lui faisait subir. Ainsi, Puff aspergea Bill d'eau glacée et Bill finit par pousser Paf dans la rivière qui était très profonde. Le chat eut très peur et crut mourir car il ne savait pas nager. Il jura alors de ne plus approcher de Bill. C'est pour ça que depuis ces temps anciens, les chats ont peur des chiens. Ils ne jouent plus ensemble et qu'ils se tiennent très loin d'eux. Pourquoi les tortues ont-elles une carapace ? Jadis, dans un pays au bord de la mer où il faisait toujours chaud, vivaient des tortues. Un beau jour, alors qu'une d'entre elles se promenait, une énorme sangsue s'accrocha à elle. La tortue chercha par tous les moyens à s'en débarrasser, mais rien n'y fit. Pourtant, un mois plus tard, elle était partie toute seule, en laissant un gros trou dans la peau de l'animal. La tortue était bien déterminée à ne plus avoir de sangsues. Elle décida alors d'aller demander des conseils à la reine des mouettes. Celle-ci avait toujours de bonnes idées et là, encore, elle trouva la solution. Elle lui donna une carapace qui devait la protéger. C'est depuis ce jour-là que les tortues ont des carapaces qui les protègent des sangsues et qui leur servent aussi d'abri car elles en ont grand besoin. Pourquoi les lions ont-ils des crinières ? Il y a très longtemps, des lions vivaient bien tranquillement dans un pays éloigné. Parmi eux, deux lions nommés Cyrus et Noah étaient les meilleurs amis du monde et rêvaient de partir visiter les autres pays de la Terre. C'est ainsi qu'un beau jour, ils décidèrent de partir visiter l'Afrique. Ils parcoururent de nombreux lieux plus étranges les uns que les autres et rencontrèrent des animaux fabuleux, comme les lions blancs. Jamais ils n'avaient vu des félins aussi beaux et aussi majestueux. Ils se lièrent d'amitié si bien que ces derniers les invitèrent à participer à leur fête ancestrale, mais ils devaient venir déguisés. Cette fête était l'occasion pour les lions blancs de commémorer leur victoire lors de la guerre menée jadis contre les autruches. Cyrus et Noah étaient bien embêtés car ils n'avaient pas de costume à mettre. C'est alors que tout à coup, ils rencontrèrent des oiseaux avec de grandes plumes couleur marron et cela leur donna une idée. Ils prirent quelques plumes et se les collèrent autour du cou. Quand ils arrivèrent à la cérémonie, tous les lions les félicitèrent pour leur costume. Il faut reconnaître qu'ils en étaient très fiers eux aussi, car ils se trouvaient vraiment magnifiques. C'est depuis ce jour que le lion a une crinière autour du cou, et c'est parce que cela lui donne un air majestueux qu'on l'appelle le roi des animaux. Pourquoi les arbres sont-ils rayés ? Il y a fort longtemps, dans la savane africaine, vivait un zèbre qui se trouvait très laid. Il détestait sa couleur noire unie car il trouvait que cela était beaucoup trop foncé et cela le rendait très triste. Il avait bien essayé de changer de couleur en se roulant dans la boue par exemple afin de devenir marron, mais cela ne tenait pas longtemps et le noir réapparaissait rapidement. Un beau jour, ses amis décidèrent de faire quelque chose pour lui car il était toujours triste. Ils implorèrent le Dieu créateur de toute la terre et celui-ci fut touché par la tristesse de la pauvre bête. Il décida de le peindre en vert, mais le zèbre trouvait cette couleur encore plus laide et tellement banale que cela n'allait pas non plus. Il eut alors l'idée de lui faire des rayures blanches. Aucun autre animal sur terre n'était ainsi et cela plut beaucoup aux zèbres. Voilà comment les zèbres ont acquis leurs rayures et c'est pour ça qu'ils sont si fiers quand ils se déplacent, car ils se trouvent magnifiques ainsi. Pourquoi les vaches font-elles meuh ? Jadis, quand il n'y avait encore pas d'hommes sur la terre et que celle-ci n'était peuplée que par des animaux, c'était un véritable paradis. Il existait un pays où les vaches et les renards s'entendaient à merveille. Les renards montaient sur le dos des vaches pour voir leur proie de haut, et celle-ci leur donnait tout le lait qu'ils voulaient. Les renards, quant à eux, montaient la garde la nuit à côté du troupeau et les alertaient au moindre danger. Un jour, une vache qui s'appelait Roseline boutait tranquillement dans un pré verdoyant lorsque Norbert le renard surgit et lui mordit la queue car il l'avait prise pour un serpent. Norbert, qui était de nature un peu rustre, refusa de s'excuser et Roseline lui en voulut énormément. Elle décida alors de se venger et se rappela que les renards détestèrent son bien particulier, à savoir le son meuh. Un matin, alors que Norbert somnolait sous un arbre, Roseline s'approcha et fit un énorme meuh, rase ses oreilles. Aussitôt, Norbert s'enfuit en courant au fond de la forêt et ne ressortit plus. C'est depuis ce jour que les vaches font meuh afin de tenir éloigné le renard. Pourquoi la girafe a-t-elle un long cou ? Il y a très très longtemps vivait dans la savane africaine une girafe qui s'appelait Sophie. Elle avait rencontré un éléphant du nom d'Hector qui était devenu son meilleur ami. Et les deux animaux ne se quittaient plus. Pourtant, un jour, alors qu'elle courait, elle lui fonça dessus accidentellement et lui fit très mal. Hector se vexa et ne voulut plus lui parler. Sophie était très peinée et décida d'aller voir le grand baobab qui avait toujours de bonnes idées afin qu'il l'aide à retrouver son ami. Il lui conseilla de faire quelque chose qui faciliterait la vie d'Hector, mais n'en dit pas plus. C'était à elle de trouver ce qui convenait. Elle se rappela alors qu'Hector était sans arrêt embêté par des tas d'insectes qui s'installaient sur sa peau et le démangeaient en permanence. Elle eut l'idée de manger un maximum de mouches et moustiques afin que l'éléphant ne soit plus enquiquiné par ceci. Sophie était contente car elle était persuadée aidant ainsi son ami, il lui pardonnerait sa maladresse. Elle commença alors à manger tous les insectes qu'elle trouvait sur son passage, mais ceux-ci avaient trouvé un moyen de lui échapper en allant se réfugier tout en haut dans les arbres loin d'elle. Elle força tellement sur son cou pour les attraper que peu à peu, celui-ci s'allongea, plus aucun insecte ne pouvait lui échapper. Hector fut ainsi débarrassé des insectes qui l'attaquaient en permanence et ne put que remercier Sophie de cette idée fabuleuse. C'est depuis ce temps-là que les girafes ont un si long cou afin d'atteindre le sommet de tous les arbres de la savane, mais surtout pour demeurer toujours amies avec les éléphants. Pourquoi les limaces bavent-elles ? Autrefois, quand la Terre était encore jeune, il existait un pays peuplé de limaces. Celles-ci passaient leur temps à grimper aux rochers, escalader les murailles et franchir des obstacles. Elles s'amusaient comme des folles et organisaient des courses entre elles. Un jour, alors qu'elle a emprunté un chemin très étroit, l'une d'elles bascula sur le côté et tomba dans un précipice. Voyant qu'elle manquait à l'appel, à l'arrivée, toutes les autres partirent à sa recherche. Heureusement, la pauvre limace était rusée. Elle avait eu la bonne idée de baver dès le début de sa chute, laissant ainsi une trace qui permit aux autres de la retrouver facilement. C'est pourquoi depuis cet épisode malheureux, les limaces prennent l'habitude de baver où qu'elles aillent, afin que les autres puissent les retrouver au cas où. Merci beaucoup à tous les élèves de l'école de Bains-les-Bains pour leur magnifique projet. Nous avons adoré venir vous rencontrer dans votre école. Merci beaucoup à vous, instituteurs, pour votre accueil chaleureux et votre investissement. Et bien sûr, merci beaucoup à la communauté d'agglomération d'Épinal et à Élise, leur coordinatrice jeunesse. À bientôt !